bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones pour du bon rock progressif en cette journée du 2 février 2015. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en onde et du choix musical et j'ai la collaboration habituelle de Denis Marchand et Yves Farley à la recherche. Ce soir à l'émission, on a Birdfish de Suède, The Pineapple Thief d'Angleterre, Seven in Pale de Norvège, Greenwall d'Italie, les Portugais Daymoon, les Allemands Long Distance Calling et Sophie's Earthquake, Art of Illusion de Pologne, Supertramp qui est bien connu, et en fin d'émission, Errata Corrige d'Italie. Alors on débute avec Birdfish qui est un groupe suédois qui est actif depuis l'année 2000. On leur connaît 8 albums studio déjà avec le tout récent album double 4626 minus Comfort Zone qui est paru il y a une semaine. C'est en train d'être étudié chez moi. C'est pas cet album-là qu'on va entendre. On va plutôt faire un petit recul en 2007 avec l'album Sleeping in Traffic en attendant que j'aille écouter les deux CD du nouvel album. Je vais probablement extraire quelque chose pour la semaine prochaine. Alors on va se limiter ce soir à l'album Sleeping in Traffic, Part 1, et on va entendre la pièce Roulette. Alors voici Birdfish de Suède. My skin, snow shelter, emoticons lie and I'm exposed, but my tears are all out. And dry eyes always hurt the most. I can lead my own life. There's no love left here. Master of disguise. I've been in your sky and you weren't there. A motorcycle man. Jesus was his name. He's out on his ride. Believe in him and never die. To stay the same. I know that things are never gonna change. And it will never change. And it will never change. no love, no love left here. Master of disguise, I've been in your sky and you weren't there. C'était Beardfish avec la pièce Roulette et c'est tiré de l'album Sleeping in the Traffic Part 1. Ça, c'est paru en 2007. On enchaîne avec le groupe britannique de The Pineapple Thief avec la pièce Doppler. C'est tiré du deuxième album qu'ils ont produit. Ça a été remasterisé en 2013, mais l'album 137 s'est paru en 2002. On compte 11 albums studio au groupe et comme je le mentionnais tantôt, on va entendre la pièce extraite du deuxième album paru en 2002, 137, et la pièce est Doppler. Voici The Pineapple Thief. Thank you. easy bite-sized pieces, pieces. I cannot change the world, they said. So I catch you in a pieces, pieces. Thank you. C'était Pineapple Thief avec la pièce Doppler. C'est tiré de l'album 137 qui est paru en 2002 et remasterisé en 2013. Nous enchaînons avec un groupe de Norvège du nom de Seven in Pale. C'est un nouveau groupe. Ils ont produit un album en 2014 qui s'intitule City of the Sun et on va entendre immédiatement la pièce Escaten Horo. trusted the piety of man, and probably also reached out your hand towards the skies from where the downpour came. At last the heavens are to Alors, vous venez d'entendre le groupe norvégien Seven in Pale avec la pièce Escaten Horo, et c'est tiré de l'album paru en 2014, il y a quelques mois, City of the Sun. Après la pause, Green Wall, Day Moon et Long Distance Calling. Thank you. Alors, c'était Green Wall d'Italie avec la pièce Nono, et c'est tiré de l'album Il Petalo del Fiore e altre storie. La prochaine pièce, c'est un groupe du Portugal. Le groupe s'appelle Day Moon, et la pièce est extraite de l'album All Tomorrows qui est paru en 2011. En fait, le groupe est actif depuis une trentaine d'années, mais on le reconnaît seulement deux enregistrements, un en 2011 et un en 2013. Alors, l'album de 2011 s'intitule All Tomorrows and la pièce est The Sum. Alors, voici Day Moon du Portugal. Thank you. madness of my mind. D'entendre Day Moon, le groupe portugais, avec la pièce de Somme, et c'est tiré de l'album All Tomorrows, paru en 2011. On va conclure le deuxième bloc avec un groupe allemand du nom de Long Distance Calling, et la pièce c'est Metal Ski Curve Revisited, et c'est tiré de l'album 090208. Alors voici Long Distance Calling. Thank you. Alors, c'était Long Distance Calling d'Allemagne avec la pièce Mittelski Curve Revisited. C'est tiré de l'album 09-02-08, probablement paru en 2008. Alors, au retour de la pause, Sophie's Earthquake, Art of Illusion et Supertramp. Food Indie Rock 89.1. It's obsession. It's obsession. Whoa. Secondes, c'est pas assez. J'en prendrais 3 heures. Les palmarès, c'est fou. C'est tout ce que c'est fou à de meilleur à vous offrir. En direct les mercredis de 15h à 18h. On rappelle les vendredis à 17h et les dimanches à midi. Wouhou! Tu fais ma semaine, man! Vendredi le 6 février, votre café-bar Le Zénob vous prépare une soirée aux accents rock, garage, psychédélique avec la formation montréalaise Les Marinelli. 5$ à la porte. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Du lundi au jeudi, l'équipe d'assemblage requis travaille fort sur le chantier. Musique, improvisation, plein air, télé, santé, alimentation, loisirs, tous les éléments sont là pour débuter votre journée sur une fondation solide. Ah, et le port du casque, des bottes et des lunettes est obligatoire pour nous écouter. Mensonges et calomnies! Assemblage requis avec Mathieu Plante, Stéphanie Paradis et leurs amis, du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. En direct à partir de 7h30. Découvrez la magie de la Méditerranée à deux pas de chez vous, au restaurant El Taouk. Cuisine libanaise, chiche taouk, shawarma, plats végétariens ainsi que spécial sur trio. Spéciaux étudiants. Surveillez les coupons rabais dans votre journal Zone Campus. Profitez de notre nouveau service de livraison. 840-6996. Le El Taouk, 3025 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Fou de palmarès. 89.1. Alors, nous voici au début du troisième bloc de l'émission Rock de Neurones pour du rock progressif. Et nous débutons avec un groupe tout à fait nouveau du nom de Sophie's Earthquake. C'est un groupe qui a paru un album vers la fin de l'automne, un album éponyme. Et c'est tiré de cet album-là qu'on va entendre la pièce La ira de los stress. Alors voici Sophie's Earthquake. Thank you. Alors, c'était le groupe allemand Sophie's Earthquake avec la pièce La Ira de los Tres. Et c'était extrait de l'album éponyme paru en 2014. On enchaîne avec un groupe polonais qui est à peu près dans la même facture. Le groupe s'appelle Art of Illusion. C'est un nouveau groupe qui a sorti un album à la fin de l'automne. Et l'album s'appelle Round Square on the Triangle. Et la pièce, c'est Drown into the Fog. Là, voici Art of Illusion de Pologne. Alors, c'était un nouveau groupe polonais du nom de Art of Illusion et c'est la pièce Drown into the Fog qui est extraite de l'album Round Square on the Triangle. Alors, c'est paru ça à la fin de l'automne. Alors là, on va conclure l'émission avec quelques pièces un petit peu plus tendres. Et on va débuter ça avec Supertramp qui a paru un album il y a 45 ans, en 1970. C'était leur premier album du nom de Supertramp. Et moi, je me rappelle d'une pièce que j'avais complètement oubliée. Et puis, je me suis rappelé en repassant certains dans ma discographie, je suis tombé sur le premier album de Supertramp et je dis tiens, ça va être un bon enchaînement pour la suite qui va être Errata Corrige d'Italie. Alors voici Supertramp et après la pièce, on va aller à la pause et en revenant, on va écouter Errata Corrige. Donc voici Try Again tiré de l'album Supertramp, le premier en 1970. We'll be right back. progressif. Alors, dernier bloc de l'émission est habituellement consacré aux pionniers du rock progressif. Et dans le cas qui nous concerne ce soir, c'est un groupe oublié qui est passé inaperçu en 1976. Le nom Errata Corrige. Et ce qui m'a permis de le retracer, c'est la compagnie Mellow Records. C'est la compagnie de disques italienne qui, depuis quelque temps, ressort de ses voûtes la plupart des disques des années 70, 80, 90 d'Italie. Et il réédite des albums. Alors, en 1991, il y a eu un album qui, en fait, était une continuation d'un album inachevé de 1976. Et la compagnie Mellow Records a sorti l'album Mapo Mondo. Alors, cet extrait de cet album-là que nous allons entendre, le groupe Errata Corrige, et nous aurons trois pièces en rafale. La première, Kubla Khan, la deuxième, Patagonia Suite Part 2, et la troisième pièce, The Rime of the Ancient Mariner. Alors, voici Errata Corrige de l'album Mapo Mondo, et a été composé en 1976 et réissu en 1991. Nel mezzo di un deserto c'è la città di Kubla Khan. Foreste, laghi e fiumi, percorsi d'acqua pura. Con intorno un grande muro, torri alte fino al cielo. Ho visto in un giardino nella città di Kubla Khan leggere danzatrici ballare a piedi nudi, ma quel vero paradiso mai nessuno è ritornato. dei suoi limiti, finché il vento soffierà. Thank you. Alors, vous venez d'entendre la pièce « The Rime of the Ancient Mariner » de Errata Corrige. C'est tiré de l'album « Mapamondo » qui est paru en 1976. Ça a été précédé de la pièce « Patagonia Suite Part 2 » et au début de bloc par « Kubla Khan ». C'est deux autres pièces du même album. Alors, j'espère que vous avez aimé l'émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et j'ouvre une parenthèse ici. La semaine prochaine, je vais présenter un groupe de Syrie. C'est rare qu'on a du rock progressif qui vient de cette partie-là du monde. Et j'aurai aussi deux groupes d'Ukraine. Alors, je vous souhaite rendez-vous la semaine prochaine et manquez pas ça. Fou de découverte. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Êtes-vous maniaque des offres moult moules? Êtes-vous friand des 2 pour 1 sur le poulet frit? Prenez-vous l'extra bacon sur votre sandwich ranch poulet bacon. C'est que vous êtes une personne qui a du goût et de l'appétit. Vous avez peut-être ce qu'il faut pour survivre au mercredi marathon de Mathieu Plante. Maintenant, reste à savoir si Mathieu Plante survivra. Suivez sa déchéance en temps réel avec Assemblage requis de 6h30 à 9h30, puis le Mathieu Plante Show de 13h à 15h et les Palmarès si fous de 15h à 18h. Les mercredis marathons de Mathieu Plante, tous les mercredis, c'est un défi! Collation amérindienne à Boréalis le 18 avril prochain à 10h. Découvrez les secrets de la cuisine amérindienne lors de cette conférence démonstration. Dégustez plusieurs menus traditionnels tout en découvrant des ingrédients typiques des Amérindiens. Collation amérindienne le 18 avril. Un rendez-vous à ne pas manquer à Boréalis. Faites vite, encore quelques places de disponibles. Informations, visitez borealis3r.ca. Une présentation de Lorne Gaulin Dentisterie. Débat, enquête, entrevue. Pour tout savoir sur les enjeux étudiants, ne manquez pas les coups des franches avec Yann Bellemare et Jean-François Chapdelaine. Tous les lundis, 13h. Ça fait un certain temps que tu bûches sur tes études. Tu finis ton certificat, ton bac ou ta maîtrise en juin 2015. Procure-toi ton guide de survie à la diplomation et participe aux activités organisées par le Bureau des diplômés de l'UQTR. 18 000 $ en prix à gagner. En tout, 9 mois d'activité, une par mois durant toute l'année scolaire. Pour plus d'infos, rends-toi au uqtr.ca/diplôme. N'oublie pas ta carte étudiante lors des activités, c'est ce qui te donne une chance de gagner. Cumule tes présences aux événements et multiplie tes chances de gagner. Une voiture, un crédit voyage et bien plus.